إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue donc la troisième partie dans l'explication de la conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Shumuliyatul Al-Ibada. Shumuliyatul Al-Ibada, la globalité de l'adoration. Dans le cours passé, on a expliqué que on doit essayer de faire en sorte que notre vie entière devienne une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il continue son explication. Il dit: العبادة شاملة وعامة لكل التصرفات، فالتصرفات كلها تدخلها العبادة. هذا معنى قوله رحمه الله، قول شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ما عرفت العبادة بتعريف أشمل ولا أجمع من هذا، فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني اطلبوا مني حوائجكم، تذللوا إلي أستجب لكم. Donc le cheikh explique que l'adoration, elle englobe toutes nos actions, tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait dans notre vie, si on le fait avec la bonne intention, comme on l'a expliqué la dernière fois, eh bien, ça devient une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la signification de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Lorsqu'il définit l'adoration, il dit que l'adoration c'est un nom général qui comprend tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce qu'il agrée. Et donc, le cheikh il dit qu'on n'a pas ramené une définition plus complète et plus globale de l'adoration que cette définition-là. Il n'y a pas une définition qui est plus complète et plus générale de l'adoration que cette définition. Et parmi les formes d'adoration, la plus grande forme, parce que les adorations sont nombreuses, comme on l'a expliqué au dernier cours, mais la plus grande forme d'adoration et la plus importante forme d'adoration, c'est ad-du'a, l'invocation, de demander à Allah. Et donc, le cheikh il mentionne le verset 60 dans surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et votre Seigneur, wa qala rabbukum, et votre Seigneur dit: invoquez-moi et je vais vous exaucer. Invoquez-moi et je vais vous répondre. Et ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration, ils vont rentrer dans l'enfer humiliés. Donc, le cheikh, il dit, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, demandez-moi vos besoins, et humiliez-vous, et rabaissez-vous devant moi, et je vais vous exaucer. الله قريب مجيب سبحانه وتعالى إذا دعوته بصدق وإخلاص استجاب دعاءك، فإذا دعوت ولم يستجب لك فلا بد أن هناك مانعا من قلبك، لا بد أن يكون هناك مانعا من قلبك. حاسب نفسك، إذا دعوت ولم تجب إذا دعوت ولم تجب فهذا له تعليل، إما أن الله جل وعلا يريد لك أحسن مما تطلب، وإما يريد أن يصرفك أو يصرف عنك من السوء أحسن مما تود، وإما أن الدعاء هذا باللسان فقط وعندك مخالفات. الدعاء له موانع، يعني موانع قبول الدعاء، موانع قبول الدعاء كثيرة، منها أكل الحرام، الذي يأكل الحرام ويلبس الحرام ويشرب الحرام لا يستجاب له دعاء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام واستعمال الحرام يمنع قبول الدعاء، ولو دعوت ودعوت لا يستجاب لك، فأنى يستجاب لذلك. Le Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche. Et il exauce nos invocations lorsqu'on l'invoque avec sincérité et avec pureté dans notre intention et dans notre invocation. Il nous exauce dans nos invocations. Donc si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'invoques, et qu'il ne te répond pas à ton dua, et qu'il n'exauce pas ton dua, alors c'est certain qu'il y a un empêchement, quelque chose que tu fais qui empêche dans ton cœur que ce dua soit exaucé. Il y a quelque chose dans ton cœur qui fait que ce dua ne soit pas exaucé. Il dit, mets-toi dans la balance, fais tes propres comptes à toi-même. Regarde ta situation. Regarde en toi-même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu fais qui fait en sorte que ton dua n'est pas exaucé? Le Cheikh il dit, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'es pas exaucé, il y a une raison derrière ça. Il y a une cause à ça. OK? Et c'est soit que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour toi un bien qui est meilleur que ce que tu lui as demandé. Donc toi tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, mais lui il veut pour toi quelque chose de meilleur que ce que tu lui as demandé, alors il te donne pas ce que tu lui demandes. Ou soit que tu lui demandes quelque chose, mais que c'est en réalité quelque chose qui est mauvais pour toi, et il veut t'en écarter de cette chose. Il veut t'écarter de cette chose que tu aimes ou que tu voudrais, parce qu'en réalité, elle est mauvaise pour toi et toi, tu l'ignores. Ou bien, il se peut que ce dua que tu fais, c'est un dua que tu fais uniquement avec la langue, mais sans la présence du cœur. Donc, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans être sincère, ou sans que cette demande soit faite avec le cœur réellement. Ou bien, que tu fais ce dua avec la langue, en même temps tu désobéis à Allah et tu contredis, tu fais des contradictions avec l'islam ou avec la charia. Donc, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que ton dua ne soit pas exaucé. Il y a des choses qui empêchent qu'un dua soit exaucé. Il y a des choses qui font en sorte que ton dua ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces causes-là, il y en a plusieurs. Mais parmi ces causes-là, il y a le fait de manger ce qui est haram. C'est-à-dire, tu manges de la nourriture qui n'est pas halal. Ou bien, tu achètes ta nourriture avec de l'argent qui n'est pas halal. Des fois, tu achètes la viande halal, mais l'argent que tu as acheté la viande halal avec, cet argent-là, elle est haram. Donc, c'est comme si tu mangeais du haram, même si la viande que tu manges, elle est halal. Étant donné que tu l'as acheté avec l'argent haram, alors tu manges du haram, même si la viande, elle est halal. Parce que pour que ce soit halal, ce que tu manges, il faut que tu achètes la viande halal, mais avec l'argent halal. Hein? Et il dit également, donc le cheikh dit, si tu manges du haram, ton doua peut ne pas être exaucé. Si tu portes des vêtements haram, également, la même chose, ton doua risque de ne pas être exaucé. Si tu bois ce qui est haram, tu risques également de ne pas être exaucé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas ce genre de doua de la personne qui vit dans le haram, ou qui fait le haram, ou qui mange le haram, ou qui boit le haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans un hadith, hein, qui est rapporté par l'imam muslim. Le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans un hadith. Il a donné l'exemple d'un homme qui fait un long voyage et il est plein de poussière tellement il a voyagé et ses cheveux sont tout démêlés, tous ses cheveux sont mal peignés et il lève ses mains vers le ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il mange c'est haram, ce qu'il boit c'est haram. Tout ce qu'il fait, c'est haram. Tout ce qu'il est entouré de haram. Comment il serait exaucé? Comment Allah va exaucer quelqu'un qui est comme ça? Donc, si tu veux que ton doua soit exaucé, première chose à faire, tu te débarrasses et tu élimines tout ce qui est haram. Hein? Ça, c'est la première chose. Donc, le cheikh, il dit que de manger le haram et d'utiliser ce qui est haram, ça fait en sorte que ton doua ne soit pas accepté par Allah. Même si tu fais des douas, t'es pas exaucé. Tu te demandes, mais comment ça se fait? J'invoque Allah, je demande à Allah, Allah il m'exauce pas. Mais c'est parce que t'es en train de faire des choses haram. Hein? Donc ça c'est une cause. Et le cheikh il dit, وَهَذَا اسْتِبْعَادٌ لِلْإِجَابَةِ ولهذا حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى hein? Donc ça, tu vas rester dans cet état là et c'est peu probable que ton droit soit exaucé jusqu'à ce que tu te repentes à Allah subhanahu wa ta'ala de ce péché là que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pardon et que tu cesses de commettre ce péché là. Ensuite, le cheikh dit, وكذلك الذي يدعو الله بلسانه فقط وقلبه غافل هذا لا يستجاب له لان قلبه غير حاضر حال الدعاء وغير مقبل على الله سبحانه وتعالى ان الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاه لا بد ان تدعو الله بلسانك ويكون قلبك حاضر وموقن بالإجابة أيضا ما تدعو الله وأنت غير عازم في الدعاء. Donc le cheikh explique un autre point qui est très important et des fois on néglige cet aspect là. Le cheikh il dit que également celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par sa langue alors que son cœur est insouciant, son cœur est indifférent, il n'est pas concentré dans son invocation, et bien celui-là, il n'est pas exaucé. Parce que si ton cœur, il n'est pas présent, ton cœur, il est ailleurs, et toi, tu invoques Allah avec ta langue seulement, tu ne te tournes pas vers Allah, Allah n'exauce pas ton doua. Comme on dit, le doua n'est pas exaucé s'il est fait par un cœur indifférent ou insouciant, qui est distrait. Hein? Tu lèves tes mains, tu fais un doua, mais ton cœur n'est pas présent. Donc, il faut absolument que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala avec ta langue et que ton cœur soit présent et que tu sois certain d'être exaucé. Muqinun bil ijaba. C'est-à-dire, quand tu fais l'invocation et tu espères d'être exaucé et tu es certain que Allah va te répondre. Hein? Tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhsinu dhann billah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu fais pas, le cheikh dit, ma tad'u Allah wa anta ghayru azimin. Hein? Il faut que tu sois convaincu de ton dua. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu veux. Quand tu demandes à Allah, tu dois être certain que tu le veux vraiment et tu le demandes à Allah subhanahu wa ta'ala comme quelqu'un qui veut vraiment être exaucé. Wa illa la taqulu in istajaba Allahu li wa illa la. لا يجوز هذا لا ما يجوز هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له. Le cheikh il dit c'est pas permis de demander à Allah, oh Allah si tu veux exauce-moi, mais si tu veux pas exauce-moi pas. Ça c'est pas permis, hein. Il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous fait son doua, qu'il ne dise pas, oh Allah pardonne-moi si tu veux. Parce que Allah, personne ne peut le forcer. Personne ne le peut le contraindre. Donc tu ne dis pas par exemple, oh Allah pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, donne-moi du risque si tu veux. Tu penses que tu peux contraindre Allah? Non. Donc quand tu demandes à Allah, demande avec conviction, demande avec certitude. Dis, oh Allah, pardonne-moi. Hein? Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner comme quelqu'un qui veut réellement être pardonné. ولكن ليعزم المسألة فأنت تطلب من الله تقبل على الله بجد وطمع في فضل الله سبحانه وتعالى لا تقنط فإنه إذا كان عندك قنوط وعندك فتور في الدعاء لم يستجب لك ولا تقبل إن شئت لا تقل إن شئت أرزقني إن شئت اعطني إن شئت هذا منهي عنه تعزم المسألة اللهم ارزقني اللهم اغفر لي اللهم تب علي لا تقول إن شئت يعني كأنك تقول إن كان هذا شاق عليك لا تجب دعائي الله لا يشق عليه شيء اطلب من الله الله غني كريم يعطي ما لا حصر له سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, quand tu demandes avec certitude, avec conviction. Tu veux quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala de manière sérieuse. Et tu désires ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner comme grâce. Et tu ne perds pas l'espoir en le fait que Allah subhanahu wa ta'ala peut t'exaucer. Hein? Donc si tu désespères, ça c'est pas correct. Il faut que tu sois convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala va t'exaucer. Tu dois persévérer dans ton doua. C'est pas comme si par exemple tu demandes une fois à Allah puis ça marche pas ou Allah t'exauce pas, donc tu laisses tomber. Tu dis, ah, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une fois, il m'a pas donné. Donc c'est fini, je demande plus. Non, tu continues à demander jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce. Hein? Donc, quand tu invoques, tu ne dis pas si tu veux. Hein? Comme par exemple, donne-moi le risque si tu veux. Oh Allah, donne-moi telle chose si tu veux. Ça, c'est interdit. Tu dois être convaincu de ce que tu demandes. Tu dis, oh Allah, donne-moi le risque. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, accepte ma repentance. Tu ne dis pas si tu veux. Hein? Quand tu dis si tu veux, c'est comme si tu disais si cette chose-là est dure pour toi, oh Allah, hein, donc exauce pas mon dua. A'udhu billah, il n'y a rien qui est dur pour Allah, il n'y a rien qui est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc demande, demande à Allah. Allah, il est riche, il est généreux, hein? Il donne sans limite, sans calculer. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا قال أستجب لكم, أمر بالدعاء ووعد بالإجابة, فهو سبحانه لا يخلف وعده. Le Cheikh il mentionne le verset 34 dans sourate Ibrahim. Il dit, et il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous voulez compter les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas capable de les calculer. Parce qu'elles sont trop nombreuses. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais vous exaucer. Hein? Invoquez-moi et je vais vous exaucer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à ses serviteurs de l'invoquer et de lui demander, et il a promis de vous exaucer. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. قال ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذين يستكبرون عن دعاء الله, وانظر كيف سمى الله الدعاء عبادة, دل على أن الدعاء هو أعظم العبادة, أعظم أنواع العبادة. يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي, لأن المأمور به في الآية هو الدعاء. فمن لم يعبد الله كان مستكبرا كإبليس لما أمره بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالاستكبار يمنع من العبادة والعياذ بالله. ولذلك العبادة ذل مع خضوع ضد الاستكبار. لأن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين يعني صاغرين أذلاء. Donc le Cheikh explique, il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration, ils vont rentrer dans l'enfer humiliés. Ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à invoquer Allah, hein, les kuffars, ils sont orgueilleux et fiers. Ils refusent de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils refusent de se prosterner et de mettre leur front sur le sol pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'orgueil qui est dans leur cœur. Et également, c'est l'orgueil qui les empêche d'accepter le fait que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Hein? Donc ça c'est l'orgueil. Et ceux qui s'enflent d'orgueil et qui refusent de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc c'est comme l'exemple de Iblis, hein? Ceux qui s'enflent d'orgueil, qui ne veulent pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas adoré Allah parce qu'ils sont orgueilleux, c'est comme Iblis. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner à Adam, il a refusé. Il s'est senti fier et orgueilleux. Hein? Et il est rentré dans le nombre des mécréants, des kafirines, à cause de ça. Donc le fait de s'enfler d'orgueil, ça c'est quelque chose qui t'empêche d'adorer Allah. C'est quelque chose qui t'empêche d'établir ton adoration. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit que l'adoration, c'est de s'humilier à Allah subhanahu wa ta'ala, de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala, de se faire petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le contraire de al-istikbar, le contraire de l'orgueil et de la fierté. Hein? Quelqu'un dit, non, moi je ne vais jamais baisser ma tête devant Allah ou devant personne. A'udhu billah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, tu ne veux pas te prosterner devant lui. Hein? Pourtant, tu te prosternes devant plein d'autres êtres humains. Hein? Et tu baisses la tête devant ton patron au travail, qui te fait travailler comme un esclave, et tu dis rien. Mais devant le Créateur des cieux et de la terre, tu refuses. Hein? Non. Ça, c'est la situation de l'être humain. C'est la situation de l'être humain qui n'a pas compris l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'importance de l'adoration. Donc l'adoration, c'est de s'humilier et de se rabaisser et d'accepter, hein, d'être humble devant Allah subhanahu wa ta'ala, d'être petit devant lui, de reconnaître sa toute puissance et sa grandeur. Ceux qui s'enflent d'orgueil devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'enflent d'orgueil par rapport à son adoration, et ici ça signifie qui s'enflent d'orgueil par rapport à son dua, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vais vous exaucer. Et dans la suite il dit innal ladhina yastakbirun an ibadati. Donc l'adoration, c'est quoi? C'est le dua que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset juste avant. Hein? Donc, ceux qui refusent et qui s'enflent d'orgueil par rapport à l'invocation d'Allah, ils vont rentrer dans l'enfer humilié. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va les rabaisser et va les rendre humiliés. Il va les humilier dans l'enfer. قال الله سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له الدعاء بأن تفرد الله بالدعاء لا تدعو معه غيره الذي يدعو الله ويدعو معه غيره يدعو الأولياء والصالحين والأموات والأشجار والأحجار هذا لا يصح دعاؤه ولا تصح عبادته لأنها عبادة فيها الشرك والشرك لا يقبله الله سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين مخلصين بشرط يعني مخلصين له الدين يعني الدعاء بأن تفردوه بالدعاء ولا تدعوا إلا إياه سبحانه وتعالى فالذين يقولون يا عبد القادر يا جيلاني يا رفاعي أو حتى يا رسول الله أو يا خليل الله يستنجدون بهم ويستغيثون بهم هذا يعتبر مشركا غير مخلص لله جل وعلا في الدعاء والعبادات إنما تصح بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يدخلها شرك ولا أكبر ولا أصغر الإخلاص لله عز وجل وهو يسميه الناس بالإسلام إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit invoquez Allah subhanahu wa ta'ala مخلصين له الدين, c'est-à-dire en lui vouant un culte et en rendant votre religion pure uniquement pour lui, en faisant en sorte que votre religion, elle soit purement pour Allah seul. C'est-à-dire que quand vous invoquez uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Vous lui offrez à lui seul les invocations et les doigts. Tu n'invoques pas quelqu'un d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qui invoque quelqu'un avec lui, en dehors de lui, comme par exemple celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, puis après qui invoque les saints, qui invoque les hommes pieux, qui invoque les morts, les tombes, les arbres, les pierres, hein, celui-là, son invocation n'est pas valable. Celui-là, son invocation n'est pas acceptée et son adoration n'est pas correcte. Parce que c'est une adoration dans laquelle il y a du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas le shirk. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, fad'u Allah mukhlisin. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala avec pureté dans votre adoration, avec pureté dans votre invocation et dans votre religion. C'est-à-dire que ça c'est une condition, que ta religion soit basée sur al-ikhlas. Mukhlisin, ça veut dire avec ikhlas. C'est-à-dire que tu invoques Allah seul et tu fais que ton doigt soit pour lui seul et tu n'invoques personne d'autre que lui. Ceux qui, par exemple, on a des exemples de la part de certains parmi les soufiyins ou les djuhal, parmi les gens qui sont dans l'égarement ou qui n'ont pas compris la réalité de l'islam, ils se disent musulmans, puis quand ils ont un malheur, qu'est-ce qu'ils font? Le cheikh, il dit, ils appellent Ya Abdul Qadir, Ya Jilani. C'est qui Abdul Qadir al-Jilani? C'est un des hommes pieux parmi les hommes pieux qui a vécu dans le passé, dans la Ummah. Eux, ils ont pris cet homme-là comme étant un wali, un saint. Et quand il est décédé, quand il est mort, ils ont fait sur sa tombe un oratoire, hein, ou bien un dôme. Et puis quand ils ont un malheur ou un problème, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, ils appellent le wali. Ya Abdul Qadir, il est mort, ça fait plus que 800 ans. Il est dans sa tombe. Il ne peut même pas rien faire pour lui-même. Et toi, quand tu as un malheur, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, le maître de toutes choses, tu demandes à une créature qui est morte de venir en aide. Hein? Ou bien il demande à un autre saint. Ya Rifa'i. Rifa'i, c'est un autre encore parmi les hommes que les soufis vénèrent et qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont construit sur la tombe de ces hommes-là des mosquées, des lieux de prière et des lieux d'adoration. Ils vont prier. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à propos des juifs et des chrétiens, La'natullahi ala al-yahoudi wal-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'natullahi ala al-yahoudi wal-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ça c'est un hadith authentique, du plus haut niveau d'authenticité, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith? Que la malédiction d'Allah soit sur lui juif et sur les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, comme des lieux de culte et de prière. Et à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction d'Allah sur eux. Et il y a un autre hadith également dans la même signification. Une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait fait la hijra vers l'Éthiopie, vers Al-Habasha, elle a dit au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, quand j'étais en Éthiopie, j'ai vu des gens qui ont, dans les églises, des chrétiens, ils ont fait des dessins et des statues des hommes pieux hein, à l'intérieur. » Et quand elle a dit ça au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, Ulaika, idha mata fihim ar-rajul as-salih, aw al-abd as-salih, aw al-nabi, banaw ala qabrihi masjidan, wa sawwaru tilka as-suwar. Ulaika shirarul khalqi 'inda Allah. Ulaika شرار الخلق عند الله. Ça encore c'est un autre hadith de la plus haute authenticité également. Qu'est-ce qu'il a répondu à son épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce qu'elle avait vu dans les églises des chrétiens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ces gens-là, lorsqu'un homme pieux meurt parmi eux, ils font une mosquée ou une église ou un lieu de culte à l'endroit où il est mort, pour aller adorer Allah, ou bien pour aller adorer le Saint même, ou cet homme pieux. Et il a dit, et ils font ces images, ou ces statues à cet endroit-là. Ceux-là sont les pires créatures pour Allah, subhanahu wa ta'ala. sont les pires créatures. Et maintenant, vous allez dans des pays musulmans et vous trouvez ces choses-là. Ce que les juifs et les chrétiens faisaient, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de ne pas le faire, même quelques jours avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde la Ummah contre ça. Eh bien, on les retrouve maintenant dans toutes les villes et dans presque tous les villages dans les pays musulmans. Et ça, c'est le plus grand péché que quelqu'un peut commettre. Et donc, ils appellent « Ya Abdul Qadir, Ya Rifa'i, Ya Tijani hein, », ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose, il faut enseigner aux musulmans que ces choses-là sont en contradiction avec l'islam, ici et dans les pays musulmans. Ici et dans les pays musulmans. Éduquer les jeunes sur le tawhid, éduquer les personnes pour qu'ils sachent que ces choses-là sont en contradiction avec l'islam. Il y en a même qui invoquent, quand ils ont un malheur, ils appellent qui? Au lieu d'appeler Allah, ils appellent Ya Rasulullah, ô messager d'Allah. Ça, c'est shirk. Celui qui fait ça, quand il a un malheur ou une détresse, il dit Ya Rasulullah. C'est quoi la différence entre lui et le chrétien? Le chrétien, il dit « Ya Isa » ou il appelle Isa, ou il appelle Maryam, ou il appelle d'autres. Toi, tu dis que tu es musulman, quand tu as un malheur, au lieu d'appeler Allah, tu appelles le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est shirk. Tu ne peux pas faire ça. Hein? Même si tu ne dis pas que c'est le fils de Dieu, tu ne dis pas « Muhammad ibn Allah », tu ne dis pas « Muhammad, c'est le fils de Dieu », comme les chrétiens disent « Isa ibn Allah ». Tu ne dis pas « Muhammad ibn Allah ». Hein? Mais alors pourquoi tu l'invoques comme les chrétiens? Tad'ouhu. Taqul ya Rasulullah arifni ou ya Rasulullah ansurna ou kala. A'udhu billah. Hada shirk. Le fait de dire que Isa c'est le fils d'Allah, ça c'est shirk, c'est kufr. Tu attribues à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. Mais si tu l'invoques sans dire qu'il est le fils d'Allah, ça aussi c'est shirk. C'est pas juste quand tu dis qu'il est fils d'Allah que c'est shirk. Même quand tu l'invoques sans dire qu'il est le fils d'Allah, ça c'est shirk aussi. Hein? Donc, le cheikh il explique que l'adoration, l'ibada, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle respecte deux conditions. La première condition, al-ikhlas, il faut que ton adoration soit pure. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'il y ait aucune forme de shirk dedans. Ni de shirk majeur, ni de shirk mineur. Le shirk mineur, c'est quoi? Ar-riya. Tu fais ton adoration, mais tu fais pour que les gens te voient. Ou tu fais ton adoration, mais tu la fais pour que les gens te glorifient, disent du bien de toi. Tu récites le Coran, tu veux que les gens disent que tu as une belle voix. Tu donnes sadaqa. Mais tu veux donner sadaqa parce que tu veux que les gens disent « Masha'Allah, il est généreux. Hein? » Et tu apprends le ilm et tu parles de l'islam, tu dis tu veux que les gens disent « Masha'Allah, il a du ilm. Il est bien, il parle bien. » Celui qui fait ça, il n'a aucune récompense devant Allah. Ça, c'est une forme de shirk qu'on appelle shirkun asghar. C'est différent du shirk akbar parce que le shirk akbar, shirk majeur, comme celui qui adore autre que Allah, celui qui fait le shirk akbar, il va rester en enfer pour l'éternité. Il ne va jamais sortir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais le shirk asghar, le petit shirk, celui-là, si tu le commets, il ne te fait pas rester éternellement en enfer. Mais il annule la validité de tes actions et il rend tes œuvres vaines. Donc tu n'auras aucune récompense pour ces actions-là. Donc tu fais des actions, mais tu les fais pour rien. Parce que tu n'auras pas de ajr. Donc ton adoration, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle respecte cette première condition, c'est qu'elle soit faite avec ikhlas, avec sincérité et avec pureté dans ton intention. Et la deuxième condition, c'est qu'elle soit en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh il dit الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون هذه العبادة على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها بدع ولا محدثات ولا خرافات فإذا توفر الشرطان الإخلاص والمتابعة صحت العبادة وقبلت وإذا اختل شرط منها لم تقبل قد يدعو الإنسان مخلصا ما عنده الشرك ولكن يعبد الله على غير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور ورثها الناس أو ورثها عن الناس أو استحسنها هو ولا ينظر في دليلها ولا ينظر من أين جاءت ولا هذا لا تنفعه هذه بدع وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le Cheikh explique ensuite donc que la deuxième condition pour que tes actions, tes adorations, tes doigts et tout ce que tu fais dans la religion pour que ce soit valable, pour que ce soit accepté, la deuxième condition c'est que ce soit fait selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette adoration doit être en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré et elle doit être exemple de toute forme d'innovation et de toute forme d'invention et de toute forme de superstition. Elle doit être purifiée de toutes sortes de tout ce qui est contraire à sa sunna. Si ces deux conditions sont présentes, elle est faite, l'adoration elle est faite avec ikhlas et elle est faite en accord avec la sunna, alors l'adoration elle est valable, elle est bonne et elle sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si une des deux conditions n'est pas respectée, alors cette adoration là ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il se peut que quelqu'un invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec ikhlas et qu'il n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, il adore Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui n'a pas été légiférée par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala par des choses dont il a hérité. Il a hérité ces choses-là de ses parents, ou de ses grands-parents, ou de ses ancêtres. Ou bien, c'est quelque chose qu'il a considéré lui-même comme étant bon selon son propre jugement, ou bien selon sa raison ou sa compréhension à lui. Comme on expliquait la dernière fois, des gens qui disent « Moi, je suis musulman à ma façon. Moi, je suis musulman selon ma compréhension à moi. » Hein? Non, ça c'est pas correct. Hein? Comme on a expliqué la dernière fois. Il faut que ton adoration soit faite selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu dois être musulman, pas à ta façon, mais à la façon que Allah veut que tu sois musulman. Hein? Donc celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des choses qu'il a héritées de ses ancêtres, de ses parents, ou de son pays, ou de quelque chose qu'il a aimé lui-même, qu'il a considéré comme étant bon, sans regarder la preuve, est-ce que c'est basé sur un texte du Coran ou sur un dalil de la sunna authentique, il ne regarde pas d'où est-ce que ça vient. Les gens le pratiquent, les gens le font, je le fais moi aussi. Hein? Parce que les gens le font dans telle place ou tel endroit, donc je le fais. Non, ça c'est pas correct. Ce ne sera pas accepté dans la spirituelle. Et cette adoration que tu fais ne va pas te profiter. Parce qu'en réalité, ce sont des bid'ah, ce sont des innovations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des innovations, au sujet des bid'ah, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cette chose-là sera rejetée. C'est-à-dire, celui qui invente des choses dans la religion, dans la pratique religieuse, dans la croyance, dans yani, les règles de l'islam, il invente des choses nouvelles, ce ne sera pas accepté. Et il y a beaucoup de choses que les gens pratiquent comme ça. Walaykum salam wa rahmatullah. Ce sont des choses qui ont été inventées des siècles après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le Mawlid. Hein, le Mawlid al-Nabawi. La fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un exemple d'innovation. C'est un exemple d'innovation qui est pratiquée dans certains pays musulmans et qui est considérée comme étant quoi? Un jour férié, hein, dans certains pays musulmans. C'est une fête nationale dans certains pays. C'est quelque chose qui est pratiqué depuis des centaines d'années, même plus. Donc tout le monde là-bas dans ces pays-là s'imagine que ça fait partie de l'islam. Et s'imagine que ça c'est quelque chose qui est bon et qui est correct. Ils disent ça seulement parce qu'ils sont nés dans ces pays-là aujourd'hui. Mais s'ils étaient vivants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à l'époque des tabi'in, à l'époque des sahaba et des tabi'in et des tabi'in, ils auraient cherché partout. Où est-ce qu'il est le maulid? Il n'y en a pas de maulid parce que ça n'existait pas. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de maulid nabawi. Pourquoi il n'y en avait pas? Parce que ça n'existait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais ordonné aux gens de le faire. À l'époque des sahaba, tu vas chercher le maulid al-nabawi. Où est-ce qu'il est? Nulle part. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas. À l'époque des tabi'in, tu cherches le maulid nabawi. Où est-ce qu'il est? Il n'existait pas. À l'époque de l'imam Abu Hanifa, où est-ce qu'il était le maulid? Il n'existait pas. À l'époque de l'imam Malik ibn Anas, imam Udar al-Hijra, où est-ce qu'il était le maulid al-nabawi? Il n'existait pas. À l'époque de l'imam al-Shafi'i et de l'imam Ahmad, où est-ce qu'il était le maulid? Il n'existait pas non plus. Donc il n'existait pas dans les meilleures générations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La meilleure génération, c'est ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Ça, c'est les trois meilleures générations. Si quelque chose n'a pas été pratiqué ou appliqué dans ces trois meilleures générations, ça ne fait pas partie de l'islam. Alors, d'où est-ce que les gens ont ramené ce Mawlid Nabawi? D'où est-ce qu'ils l'ont sorti? Hein? De leur chapeau, comme un tour de magie? En fait, les historiens, ils ont mentionné que ceux qui ont inventé le Mawlid Nabawi, c'est qui? C'est les Batiniyoun, les Ismaélites, lorsqu'ils dirigeaient en Égypte, ceux qu'on appelle les Fatimiyoun, les ennemis de l'islam, les ennemis de la Sunna, les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont établi cette fête pour imiter les chrétiens qui fêtent Noël. Et comme par hasard, ils ont décidé de mettre ce jour-là le jour de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui fêtent le Mawlid Nabawi, ils fêtent la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne fêtent pas la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que personne ne sait à quelle date il est né. Donc c'est des exemples de bid'a. Et ça, c'est juste le début de la bid'a, parce que dans ce maulid, les gens en profitent pour rajouter plein d'autres choses qui sont contraires à l'islam à l'intérieur de cette bid'a. Hein, les chants et les mada'ih avec des exagérations et du rouleau pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qasidatul burda, dans lequel les gens, ils récitent Al-Burda, ils récitent ce poème écrit par Al-Busayri, dans lequel il décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des attributs divins. Hein? Il dit: wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa inna min ulumika ilm al-lawh wa al-qalam. Il dit: parmi tes merveilles, il y a ce monde et l'autre monde. Ça, c'est comme si c'est les merveilles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Hein? Et il dit: wa min ulumika ilm al-lawh wa al-qalam. Parmi tes sciences, il y a la science de al-lawh al-mahfouz et de al-qalam. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la connaissance de qu'est-ce qui est écrit dans al-lawh al-mahfouz et du ghaib. Ça c'est d'attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ilm al-ghaib. Et ça, c'est interdit de l'attribuer à une créature. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît qu'est-ce qui est dans l'Lawh al-Mahfouz. Hein? Et il dit également, il y a d'autres vers dans cette qatida qui est remplie de shirk et de bid'ah. Et les gens, ils restaient de ça durant quoi? Durant le Mawlid al-Nabawi. Cheikh Al-Imam Malik, rahimahullah, قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني الإمام مالك دار إمام دار الهجرة il dit toute personne on peut prendre ou laisser de ses paroles excepté celui qui est enterré dans cette tombe. Il parle de qui? Il parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le seul qui est infaillible et qui ne fait pas d'erreur et qui ne se trompe pas, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a dit ça? L'imam Malik, rahimahullah. Tous les ulama du Maghreb al-Arabi, ils disent quoi? Ils disent qu'ils sont sur le madhab de l'imam Malik. Donc s'ils suivent le madhab de l'imam Malik, et qu'ils comprennent la parole de l'imam Malik, alors ils doivent comprendre que si quelque chose a été dit et que c'est en contradiction avec la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent l'abandonner, ils doivent le laisser. Et même si la majorité des gens ont décidé de le faire, ont trouvé que c'était quelque chose de bien, si on a vu que c'est en contradiction avec le Coran et en contradiction avec la Sunna, on ne doit pas le faire. Parce que notre modèle, notre guide, notre exemple, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'exemple des sahaba qui ont transmis l'islam après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit quiconque fait scission avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oppose le messager sallallahu alayhi wa sallam et suit autre que la voie des mu'minines. Les mu'minines à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? C'est les sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quiconque suit autre que la voie des mu'minin, c'est-à-dire la voie des sahaba, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. On va le laisser se détourner comme il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc ça veut dire qu'on doit suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses qui ont été inventées dans la religion, parce que toute chose inventée dans la religion est une bid'ah, est une innovation, et toute innovation mène au feu de l'enfer. Donc ça c'est une explication de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique qu'on doit suivre sa sunna et la sunna de ses successeurs bien guidés et non pas qu'est-ce qui a été inventé par la suite. Hein? Tous les ulamas de l'islam parmi les premières générations ont suivi ce conseil, ont suivi cette voie. Arrivé à une certaine époque, des gens ont inventé des nouvelles choses. Nous, notre obligation et notre devoir à tous les musulmans sur la terre, sans exception, que ce soit le Maghreb, que ce soit le Pakistan, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Indonésie, que ce soit l'Afrique, on doit tous retourner à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, hein, de ceux qui l'ont suivi de la meilleure manière. Allah subhanahu wa ta'ala il dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers croyants parmi ceux qui ont accepté la foi, parmi les muhajirin et les ansar, ceux qui ont accepté l'islam à Mecca et ceux qui ont cru parmi les gens de Médine, hein? Ceux qui ont accepté l'islam à Mecca, qui ont fait la hijra à Médine, et ceux qui ont cru parmi les ansar. Et ceux-là, il y en a qui les ont suivis. Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc nous, chacun d'entre nous ici présents, notre obligation, notre devoir, c'est de retourner à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de retourner à l'exemple des sahaba. Ce qu'ils ont pratiqué, on le pratique. Ce qu'ils n'ont pas pratiqué, on ne le pratique pas. Ça ne fait pas partie de l'islam, même si tous les musulmans aujourd'hui dans un pays se sont mis d'accord pour le faire. Notre référence, ce n'est pas un pays. Notre référence, ce n'est pas nos traditions. Notre référence, c'est le kitab et la sunna. Taraktu fikum shay'ain aw amrayn لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. J'ai laissé parmi vous deux choses. Tant que vous allez vous y accrocher après moi, vous n'allez jamais vous égarer. C'est quoi ces deux choses? Le livre d'Allah et ma sunna. Ça, c'est les deux choses que si tu t'y accroches, tu es garanti, tu es sur le droit chemin. Mais si tu suis par la suite, qu'est-ce que des gens ont inventé par la suite? Eh bien là, tu es dans l'égarement. Là, tu es dans Ad-Dalal. Le Cheikh, il dit ensuite, « وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ مُخْلِصًا لِلَّهِ مَا عِنْدَكَ شِرْكٌ إِذَا تَعَبَّدْتَ لِلَّهِ بِعِبَادَةٍ مَا عِنْدَكَ شِرْكٌ إذا تعبدت لله بعبادة لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم هذه عبادة باطلة مردودة على صاحبها. فالناس بين أربعة أصناف: صنف لا يعبد الله أصلا وهذا هو المستكبر والعياذ بالله من الملاحدة والدهريين والماديين والعلمانيين هؤلاء يستكبرون عن عبادة الله وصنف يعبد الله مخلصا له الدين ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي العبادة الصحيحة التي تنفع صاحبها عند الله وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. Le Cheikh, il explique encore que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une autre narration de ce hadith, le hadith de Aisha radiallahu anha, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée, elle sera rejetée. La première version, elle dit celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie. La deuxième version dit celui qui pratique une action qui ne fait pas partie de notre religion. Les ulama ont expliqué que ces deux hadiths ensemble, ils interdisent d'inventer des nouvelles choses, et même si ce n'est pas toi qui l'as inventé, ils t'interdisent de l'appliquer. Même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé, tu ne dois pas le suivre. Hein? Et ensuite il dit, donc même si tu es mukhlis, tu es sincère, tu ne fais pas de shirk, mais tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, yani, sans suivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ton adoration ne sera pas valable, ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure par rapport au maulid al-nabawi, eh bien, comme je disais, il est entouré de toutes sortes d'autres pratiques. Et dans les pays musulmans, dans certains pays musulmans, et dans le Maghreb par exemple, c'est pas seulement le Maulid al-Nabawi qu'on célèbre. on célèbre le, la naissance de plusieurs saints et on fait des mawasim. Qu'est-ce qu'on appelle mawasim? Hein? Pour la naissance de différents saints dans différentes villes. Il y a des saints qui sont plus grands, plus importants, et il y en a d'autres qui sont plus petits, moins importants. Hein? Et qu'est-ce qu'ils font pour ces saints-là? Ils font la même chose que ce qu'ils font dans Al-Mawlid al-Nabawi. En Afrique, par exemple, en Sénégal, il y a un fondateur d'une tariqa qu'on appelle Al-Muridiyya, hein? Ahmadou Bamba, le fondateur de la tariqa des Mourides, Muridiyya, il l'appelle. Ils ont une ville là-bas au Sénégal qu'on appelle la ville de Touba. Ils ont construit une des plus grandes mosquées en Afrique. Et ils ont enterré leur fondateur à l'intérieur. Et chaque année, ils font qu'est-ce qu'ils appellent le grand magal, le grand pèlerinage à la mosquée de Ahmed Bamba à Touba. Et si vous allez là-bas, et si vous regardez qu'est-ce qu'ils font, même ils le transfèrent en direct même, les frères, les gens du Sénégal, ils le rediffusent en direct comme pour le Hajj à Mecca, comme si c'était un Hajj. Et dans d'autres pays, c'est la même chose. Hein? Une fois, je suis rentré dans une librairie, au Canada, au Québec, je suis rentré dans une librairie, j'ai trouvé un livre dans la section des livres sur l'islam. Ça s'appelait Les pèlerinages en terre d'islam. Écrit par une femme hollandaise. J'ai oublié son nom, je pense que c'était Feneke Resso, ou quelque chose comme ça. Eh bien, elle est allée vivre 3 ans au Maroc. Et elle a fait une étude ethnologique et archéologique du phénomène des mawasim et des pèlerinages au Maroc. Elle a vécu dans les familles marocaines qui pratiquent l'adoration et la vénération des tombes et des saints, et elle a écrit son livre, elle a décrit tout ce qui se passe. Elle a décrit tout ce qu'elle a vu là-bas. Et quand vous lisez ça, vous dites, subhanallah, est-ce que ça c'est des gens qui connaissent l'islam, qui font des choses comme ça? Hein? Quelqu'un qui connaît le tawhid, qui connaît la signification de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il ne fera jamais ce genre de pratique-là. Hein? Et qu'il y a des gens qui font même des pèlerinages pour les djinns. Barakallahu fik. Alaykoum salam wa rahmatullah. Naam. Naam. الله المستعان الله المستعان نسأل الله العافية ديتهم اي نعم exactement donc ça c'est des exemples شاهد الأخ بما رأى ça c'est des exemples des formes de pratiques qui sont faites dans les pays musulmans qui sont contraires à l'islam. Le devoir de chacun d'entre nous, c'est de savoir, premièrement, que ces choses-là sont contraires à l'islam. Deuxièmement, d'enseigner ses proches et sa famille au sujet de ces choses-là et de leur faire comprendre que ces choses-là sont contraires à l'islam. Et, inshallah, de faire la da'wah et d'appeler les gens au tawhid et de leur expliquer l'importance du tawhid pour que ces choses-là soient éliminées. Hein? Donc, ça, c'est très important. Donc, comme qu'est-ce qu'on disait, c'est ça. Ça, c'est les exemples de ce qui se passe maintenant. Et après, on se demande pourquoi on a des problèmes dans nos pays. On se demande pourquoi il y a de la pauvreté. On se demande pourquoi on est retardé sur le plan économique et sur le plan politique, on a plein de problèmes. On se demande, toutes ces questions-là, on se demande. On dit, mais comment ça se fait les pays occidentaux, ils arrivent à s'organiser, puis à être... Hein? On quitte nos pays, on vient vivre ici. Comment ça se fait? Ici, c'est mieux que chez nous. Est-ce que ici, ils ont un secret que nous, on ne possède pas? Eh bien, en réalité, il faut réfléchir sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a mis dans l'état dans lequel on est, c'est pas parce qu'en réalité, les koufars sont meilleurs. c'est parce que nous, on a l'islam et on a laissé de côté. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous punit par qu'est-ce qui nous arrive dans nos pays, jusqu'à ce qu'on se repente à Allah et qu'on revienne sincèrement vers lui pour qu'il change notre situation. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il ne changera pas l'état d'un peuple tant que ce peuple-là ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc, le changement ne va pas venir de l'extérieur. Et s'il y a un changement qui doit venir, ce changement-là doit venir de nous-mêmes, de l'intérieur. Et ce changement-là doit venir en commençant par notre aqidah, en commençant par le fait de purifier notre croyance, de renouveler notre tawhid et notre compréhension des fondements de l'islam. Et si on arrive à faire ça, alors inshallah, vous allez voir que les choses vont s'améliorer, que les choses vont changer et que les choses vont devenir meilleures. Mais si on reste dans l'état dans lequel on est, dans la situation comme elle est, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va changer. Mais alhamdoulilah, il faut être patient et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour terminer, qu'est-ce que le cheikh explique? Le cheikh, il dit, donc, que si tu adores, donc, comme je répète encore une fois, si tu adores Allah sans suivre la sunna, ton adoration ne sera pas valable, et les hommes, par rapport à l'adoration, sont en différentes catégories. Il dit quatre catégories. Une catégorie, c'est ceux qui n'adorent pas Allah du tout. Hein? Ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala du tout. Et ça, c'est ceux qui se sont enflés d'orgueil, qui sont fiers et orgueilleux, wal'iyadu billah, et ils ne veulent pas adorer Allah. Et ceux-là sont les athées, hein, les matérialistes, les communistes, hein, ceux qui ne croient pas en autre chose que la matière, autre chose que cette dunya, ils ne croient pas en l'akhira, ils ne croient pas en autre chose que qui dépasse leurs cinq sens. Qu'est-ce qu'ils peuvent toucher, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, hein, qu'est-ce qu'ils peuvent entendre ou sentir, ça ils croient. Mais en dehors de ça, ils ne croient pas, ce sont des athées. Malachida, ou bien des almaniyin, des laïcs, qui pensent que la religion c'est quelque chose qui doit être uniquement à la mosquée. À l'extérieur de la mosquée, il ne doit pas avoir aucune manifestation de la religion dans la politique ou dans l'économie. Hein? Donc ça, c'est des gens qui se sont enflés d'orgueil par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre catégorie qui est le contraire de ceux-là, qui ont été sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cas-là, cette adoration-là, c'est une adoration qui est correcte et qui va être bénéfique pour celui qui l'a pratiqué et qui va le rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sinfun ya'budullaha mukhlisan lahu ما عنده شرك ولكن على غير ما شرع على او على مي على غير ما شرع ما وجد عليه الناس او استحسنه نفسه او زين له شياطين الانس والجن فهذا متبع لا تقبل منه عبادته فعبادته على البدعه لا تقبل وان اتعب نفسه فيها كالنصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال من غير دليل ومن غير برهان. Donc il y a une autre catégorie qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été sincères dans leur adoration, ils n'ont pas fait de shirk, ils n'ont pas associé avec Allah, mais ils ont adoré Allah par les innovations, c'est-à-dire ils n'ont pas suivi ce qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager pour l'adorer. Ils ont suivi ce que les gens faisaient. Ils ont suivi les coutumes. Ils ont suivi ce qu'ils trouvaient bon. Ou ce que le shaitan leur a embelli. Ce que les diables parmi les hommes et les djinns a embelli pour eux. Donc ça, c'est l'adoration de l'innovateur, du mubtadi'. Et son adoration ne sera pas acceptée. Parce que son adoration est sur la bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à ce sujet-là, Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Ad-din kamil. La religion, elle est complète. Si quelqu'un amène quelque chose de nouveau dans l'islam, ça signifie que, en réalité, il croit que la religion, elle n'est pas complète. Il pense qu'il y a quelque chose qui manque et que c'est lui qui doit la ramener. Hein? Donc ça, c'est la réalité du Mubtadi'. Il veut corriger la religion d'Allah. Il pense que Allah n'a pas complété sa religion et que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas bien transmis le message. Donc il a besoin de rajouter quelque chose de lui-même. Et c'est ça que ce que implique, hein, l'innovation. Et c'est ça que l'imam Malik, rahimahullah, a expliqué lui-même. Il a dit, celui qui invente des innovations, c'est comme s'il disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, khana al-risala. Il a trahi la transmission du message. Il n'a pas transmis le message correctement. C'est comme s'il est en train d'accuser le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas avoir transmis correctement le message. Et donc, celui-là, même s'il se fatigue à faire des adorations, à faire des choses, ça ne servira à rien pour lui. Comme les chrétiens, par exemple, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui l'adorent par ignorance ou avec de l'égarement, sans avoir une preuve. Hein? Donc ce ne sera pas accepté. وَصِنْفٌ رَابِعٌ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ المشروع ولكن لم يخلص لله القصد والنية والعمل عبادته على صورة في صورتها موافقة للكتاب والسنة يتصدق أو يدعو أو يصلي أو يصوم على الوجه المشروع في ظاهره ولكن دخله قصد لغير الله سبحانه وتعالى فهذا أيضا لا تقبل عبادته لأن هذا يبطل العباد يبطل العبادة قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالله لا يقبل عملا فيه شرك أبدا مهما أتعب الإنسان نفسه فيه حتى الشرك الأصغر كالرياء يبطل العمل والشرك الأصغر إذا خالط العمل واستمر معه أبطله لأنه قصد لغير الله سبحانه وتعالى فما بالك بالشرك الأكبر قل عياذ بالله. Donc le cheikh explique qu'il dit il y a une quatrième catégorie, puis on va terminer avec cet exemple. La quatrième catégorie, c'est l'adoration de celui qui fait une adoration qui est en accord avec la charia, mais qui n'est pas fait avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui l'a fait, elle a une autre intention dans son action. Donc en apparence, c'est une adoration qui est en accord avec le Coran et en accord avec la Sunna. Il donne la sadaqa, il fait les du'a, il fait la prière, il fait le jeûne selon les règles de la charia, selon la Sunna en apparence. Sauf qu'à l'intérieur de lui-même, son intention n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là, son adoration ne sera pas acceptée. Hein? Celui-là, son adoration sera vaine. Allah subhanahu wa ta'ala, oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, mais c'est un hadith qudsi. C'est rapporté par l'imam muslim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis celui qui se passe absolument et complètement de partenaire. Celui qui fait une action dans laquelle il associe quelqu'un d'autre avec moi dedans, alors je l'abandonne à celui à qui il m'a associé. J'abandonne cette action-là à celui avec qui il m'a associé. En voulant dire, Allah n'en veut pas de cette action-là. Il n'en veut pas parce que quand la personne a fait cette action, il l'a fait en associant quelqu'un d'autre avec lui dedans. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, si quelque chose n'est pas pur pour lui seul, il n'en veut pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut quelque chose qui est fait uniquement pour lui, pas quelque chose qui est fait à moitié pour lui. Ou une partie dedans et pas pour lui. Il veut que ce soit uniquement pour lui. Et donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les actions dans lesquelles il y a du shirk. Peu importe donc à quel point quelqu'un va se fatiguer à faire quelque chose, tant qu'il y a donc du riya ou de l'ostentation ou yani, du shirk asghar dans son action, donc si cette action là en premier il l'a fait avec la bonne intention, puis que pendant qu'il la faisait il y a un peu de riya qui est venu, puis qu'il l'a repoussé, c'est-à-dire il a repoussé le riya, il n'a pas laissé le riya continuer avec lui, dans ce cas-là l'action elle sera valable, elle sera correcte. Mais si elle était basée, l'action, à la base il y avait du riya dedans, puis il l'a laissé continuer, cette action-là ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle a été faite à la base pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est le cas pour une action dans laquelle il y a du riya et que c'est un shirk asghar, alors que dire de celui qui fait une adoration dans laquelle il y a du shirk majeur, donc c'est encore pire, d'accord. Donc tout ça c'est juste un petit résumé, hein, des leçons donc qui ont rapport avec l'adoration. Donc on a terminé jusqu'ici pour aujourd'hui inshallah, et après demain bi'ithnillah on va compléter inshallah cette conférence du Cheikh Al-Fawzan bi'ithnillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.